L'important, c'est que Lulu m'aime, qu'elle maquille ses grands yeux délicats, que sa peau douce effleure la mienne. Mais Lulu, elle ne m'aime pas à moi, elle préfère cet enfoiré d'Alphonse. Je suis petit, teigneux, c'est toi et tes thunes. Bah, je voudrais bien le pousser dans les ronces. Heureusement pour moi, ben, j'aime pas Lulu. Moi, je m'entiche d'un corps beaucoup moins mince, d'une silhouette tellement plus drapulune, d'une beauté à faire bander des brassins. Rien de moi, vous m'avez reconnu. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Pourquoi ne pas vivre à trois sous le même toit? D'accord, mais seulement si c'est à sept. D'accord, j'accepte, si tu me prêtes Lucette. Ce serait sain de vivre à sept, à trois.